avec un Z, mon enfoiré. Cherche pas plus loin ma gueule, on m'a reçu la dernière lettre de l'alphabet. Cherche pas plus loin ma gueule. J'ai pas fait le tour du monde, j'ai fait le tour de la tête. J'vois la raison qui retourne sa veste. C'est du mec, réserve de Z. Fais les bike book, la mets dans le trou comme Hood Tiger, c'est le set. Uzu Moonwalker, coming soon, tout est dans le folder. Séquence moteur, interprète auteur, file à l'anglaise. J'balance des sales phases, laisse des sales traces. J'fais du sale rap à l'ancienne, c'est de l'enseigne. Dès le matin, j'allume le joint de la veille. Peu importe le mois de l'année, je me dois de tenir. Même si j'ai le choix de lâcher, même si ça ne marche pas. Rien à péter, rien à gréter. Sors le shit, la beuh et les OCB. Toujours déconnecté, j'atterris l'hiver, j'décolle l'été. Sur Calcutta, on me calcule pas. Je mets 4 coups de tuteur, puis je me casse comme ça. J'ai aucune haine envers vous, non c'est juste de la pitié. J'ai plus envie de te viser, sauf quand mes couilles sont vidées. Je pense plus à rien comme quand j'écris. Je vois que des images qui se densifient. J'ai mal sang yébi, le diable danse ici. Je vais pas me répéter si t'as pas capter la rime, l'ironie du son des bas-fonds qui vient cacher l'abîme. On a tous crié, ouais, à la première vue du monde. On veut tous briller, c'est pour être aperçu dans l'ombre. On coupe le cordon pour te lâcher dans cette jungle. Apporte le bourbon pour que je puisse arrêter de geindre. Et toutes ces merdes m'ont infesté l'âme. Pourtant, chaque jour, j'essaye de rester calme. Tu fumes la pipe à crack, je fume la pipe à bœuf. Dans ma cervelle, je craque, je suis à deux doigts de faire feu. J'ai grillé tous les feux, pas exaucé mes vœux. Poto, tu veux des E, mais t'es trop paresseux. C'est un crime vocal, j'viscère mon 16 et puis j'décale. Poto, j'ai trop la dalle, j'frappe dans la balle, énervé comme Nadal. J'fume du cannabis, de temps en temps j'me le permets. La France des bonnes, j'fais du mal, j'oublie l'éternel. Que Dieu me pardonne, j'ai fait pleurer la daronne. C'est elle la reine, c'est elle qui porte la couronne. Évidemment, je suis pas le meilleur des fils. C'est un pour la famille, deux pour le bénéfice, trois pour ceux qui glissent. À trop taper de la chenouf, tu n'as plus de flair. L'usine, le gang pour les arrêter, comment faire? Ça dit bonjour salam et ça te souhaite l'enfer. Remballe ton MMA ici, on sort le fer. Bienvenue dans la secte, viens affûter ton regard, ma langue est coupante. J'assassinerai ta plume avant qu'elle se retrouve dans une tournante. Observe le monde à travers un œil de verre. Marche dans un fleuve de mer jusqu'à se forger un cœur de pierre. Les pleurs des frères fleurissent les tombes des damnés. On revient pas en arrière, mais on fait tout pour s'en rappeler. J'éteins une bougie, mais la pièce est toujours éclairée. Le tracé d'une seule lettre m'aide à espérer. Je leur ai déjà dit qu'ils pouvaient prendre toutes mes rimes. Un lyriciste sans une bonne paire de couilles, c'est que des couplets vides. Je vais te boucher le pif, peut-être que t'entendras mieux. Entendras mieux, si t'en prends un, on t'en prendra deux. Je préfère la paix, pas la guerre, mais je te nique ta mère. Vocabulaire s'en prend à celle qui t'a mis sur terre. Que fait un jeune d'aujourd'hui en voyant des parents comme nous? Il se lance dans les finances tout en silence. Chaque fois c'est la même. Si seulement j'avais un bon miroir pour pouvoir voir comment est ma haine, j'arrêterais peut-être d'écrire tous ces couplets flingues. Venu trou du cul t'es le rapin des foires. Je ferme ma gueule, j'assume. Je ferme ma gueule, j'assume. Et je reste froid. Yeah.